بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل أيها الإخوة القراءة والتعليق على أصول الإيمان للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. On continue au cher frère la lecture et le commentaire du livre Les fondements de la foi de l'imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui, le hadith, donc toujours dans le chapitre lié à l'apprentissage, l'incitation à l'apprentissage de la science. Aujourd'hui, le hadith numéro 114. L'auteur qui nous dit Wa an ibn Abbas, radiallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار رواه الترمذي. Selon Ibn Abbas radiallahu anhuma, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit du Coran, c'est-à-dire ici celui qui explique le Coran en se basant sur son avis, sur son opinion, alors qu'il prépare sa place dans le feu, rapporté par At-Tirmidhi. Hadith numéro 115, wa fi riwaya, dans une narration, man qala fil qur'ani bi ghayri ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar rawahu At-Tirmidhi. Donc dans une autre narration, celui qui interprète le Coran sans science, alors qu'il prépare sa place dans le feu, rapporté donc par At-Tirmidhi. هذا الحديث أيها الإخوة حديث لا يصح. Ce hadith, au cher frère, n'est pas authentique. Pourquoi? Parce qu'il y a dans la chaîne de transmission Abdul A'la ibn Ya'la al-Tha'labi wa huwa da'if, et cet homme, il n'est pas fiable. ولكن المعنى صحيح. Cependant, la signification est vraie, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est voulu ici? An-nahy an tafsir al-Qur'an bil-ra'y. Ce qui est voulu, ce qui est correct ici, c'est l'interdiction d'expliquer le Coran en se basant sur son opinion. Wa hadha al-amr ittafaqa 'alayhi al-ulama. Les savants sont unanimes sur ce sujet, sur le fait qu'il n'est pas permis d'expliquer le Coran en se basant sur son opinion. Il y a aussi une autre narration qu'a cité At-Tirmidhi aussi dans son tafsir, celui qui donc explique le Coran en se basant sur son opinion, celui-ci s'est trompé. C'est-à-dire, même s'il a dit vrai, il s'est trompé. Parce que tu n'as pas le droit d'interpréter le Coran en te basant sur ton opinion. وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال أي أرض تقلني وأي سماء تذلني إن قلت في القرآن بما لا أعلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه, il a été rapporté de lui qu'il a dit: quelle terre va me supporter? Et quel ciel va me couvrir si je dis du Coran ce que je ne sais pas? Si je dis du Coran ce que je ne sais pas, c'est-à-dire que la terre, elle peut s'effondrer avec moi. Le ciel, il peut me tomber dessus si je dis du Coran ce que je ne sais pas. Abu Bakr radiallahu anhu huna yushir ila khuturati hadha al-amr. Abu Bakr radiallahu anhu, ici, il nous montre le danger de cet acte, le fait d'expliquer le Coran selon notre opinion. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre Etakuluna ala Allahi ma la ta'lamun. Dites-vous d'Allah ce que vous ne savez pas. Dites-vous d'Allah ce que vous ne savez pas. Wa ayyuha al-ikhwa, kama qultu lakum, هناك من الأمور المهمة كذلك جاء أو ذكر ابن جرير وغيره من العلماء عن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن آية. Ibn Jarir ainsi que d'autres savants, d'ailleurs Ibn Kathir aussi l'a cité dans son tafsir, que Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, il fut interrogé concernant un verset. Cette parole de Abu Mulaika qui nous rapporte cela. Abu Mulaika qui nous dit Ibn Abbas turjuman al-Qur'an. Donc celui qui est connu pour l'explication du Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour lui concernant la compréhension du Coran. Allahumma faqqihu fi din. Oh Allah, accorde-lui la compréhension de la religion. Wa 'allimhu at-ta'wil. Et enseigne-lui l'interprétation. Ibn Abbas, très connu donc dans l'interprétation du Coran, il fut interrogé concernant un verset. Abu Mulaika, lorsqu'il nous rapporte cela, il nous dit la su'ila ba'dukum 'anha la qala fiha. Si l'un d'entre vous était interrogé concernant ce verset, il aurait parlé. Il aurait dit, oui, l'explication du verset, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Wa ibn Abbas aba an yakula bil Qur'ani fil Qur'ani bima lam ya'lam. Ibn Abbas, lui, il a refusé d'expliquer le Qur'an alors qu'il ne sait pas. Il a refusé de parler du Qur'an dans un sujet qu'il ne connaît pas. جاء في رواية أن رجلا جاء إلى ابن عباس. Dans une narration, il a été rapporté donc qu'un homme est venu voir Ibn Abbas رضي الله عنهما et qu'il l'a interrogé concernant la parole d'Allah تبارك وتعالى يوم كان مقدار ألف سنة. Un jour qui donc est dénombré en 1000 ans. Un jour qui représente 1000 ans. Donc cet homme a interrogé Ibn Abbas concernant ce verset. Alors Ibn Abbas, il a répondu en disant فَمَا يَوْمٍ كَانَ مَقْمِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً. Alors, que dire de un jour qui représente 50 000 ans? Donc ce monsieur, la personne qui est venue voir Ibn Abbas, interroge concernant un verset où il est cité un jour qui représente 1000 ans. Ibn Abbas, il lui cite une réponse où lui dit que dire d'un jour qui représente 50 000 ans. Alors l'homme, il dit à Ibn Abbas, innama sa'altuka li tuhaddithani. Certes, je t'ai interrogé afin que tu me donnes la réponse. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il a dit huma yawmani dhakarahuma Allahu fi kitabihi Allahu a'lamu bihima. Il a dit, ce sont deux jours que Allah a cités dans son livre et Allah est plus savant de ces deux jours-là. Et donc, il a refusé de parler du Coran, d'expliquer ce verset alors qu'il ignore. Et donc, c'est important, chers frères, que nous aussi, on adopte cette méthodologie. C'est vraiment important. Subhanallah al-Ali al-Azim. Tafsir al-Qur'an bil-Ra'y. Le fait d'expliquer le Qur'an en se basant sur son opinion, sur son ignorance, sur son hawa, sa passion, c'est grave, c'est dangereux, chers frères. Ce n'est pas un sujet de plaisanterie. Ibn Kathir, rahimahullah, dhakara lana anna al-Qur'an yufassaru bil-Qur'an. Ibn Kathir, rahimahullah, nous dit que le Qur'an, il est expliqué par le Qur'an. Il se peut qu'il y ait un passage qui ne soit pas détaillé à un endroit, mais que Allah tabaraka wa ta'ala l'a détaillé à un autre endroit. Il explique. Fal Qur'an yufassaru bil Qur'an. Wa kadhalika al Qur'an yufassar bis sunnah. Et aussi le Qur'an va être expliqué par la sunnah. Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé son prophète afin qu'il explique le Qur'an. وَالْقُرْآنُ يُفَسَّرُ كَذَلِكَ بِأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ. Le Coran aussi va être expliqué par les paroles des compagnons. هُمُ الَّذِينَ عَاشُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Ce sont ceux qui ont vécu avec le prophète صلى الله عليه وسلم. دَرَسُوا عِنْدَهُ. Ils ont étudié chez lui. Et donc il leur a expliqué le Coran. Il nous rapporte donc ses explications. وكذلك ذكر العلماء ومنهم ابن كثير رحمه الله أن القرآن أيضا يفسر بأقوال التابعين. Le Coran va être expliqué aussi par les paroles des tabi'in. La génération d'après, ce sont ceux qui ont donc étudié chez les compagnons. Par exemple, on a Mujahid. Mujahid هو من طلاب ابن عباس رضي الله عنهما. Mujahid qui fait partie des étudiants de Ibn Abbas رضي الله عنهما. Mujahid qui dit عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثة عرضات. Il dit j'ai lu le Coran sur Ibn Abbas trois fois. Trois fois j'ai lu le Coran en entier et à chaque fois je l'interrogeais sur chaque verset. Sur chaque verset je l'interrogeais. Il y en a un autre qui dit j'ai vu Mujahid interroger Ibn Abbas radhiyallahu anhuma concernant le Coran. Wa Ibn Abbas yaqulu lahu uktub. Ibn Abbas lui dit écris. Et il écrivait jusqu'à ce que Mujahid ait fini tout le Coran comme ça. Tout le Coran comme ça. Voilà pourquoi Soufyan al-Thawri rahimahullah, il nous dit idha ja'aka tafsir an Mujahid fa hasbuka bih. Si le tafsir de Mujahid il te parvient, alors cela te suffit. Pourquoi? Parce que Mujahid il l'a pris de Ibn Abbas radhiyallahu anhuma et Ibn Abbas qui l'a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومن هنا أيها الإخوة يفهم الخطأ الذي وقع فيه بعض الناس. Et ici on comprend, chers frères, l'erreur dans laquelle sont tombées certaines personnes. من التفسير تفسير القرآن بالرأي. Ceux qui vont expliquer le Coran avec leur opinion, ce qu'on a aujourd'hui, la science. Et oui, la science, elle nous montre que tel verset, ça veut dire les rayons du soleil, les trucs qu'il y a sous la terre, les plaquettes, et. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ouais, mais c'est l'avancée de la technologie. Oui, la technologie, aujourd'hui, elle te dit ça, demain, elle te dit autre chose. Tu fais comment demain? Si demain, elle te dit, non, en fait, on a découvert que c'est autre chose, tu fais comment? Avant, tu disais les miracles du Coran. Quand je me suis converti, on m'a donné un livre, les miracles du Coran. Scientifique, il n'y a pas une fois qu'on est Rasulullah, il n'y a pas une fois qu'on est Sahaba. Non, scientifique. Et donc il faut faire très attention à ça, aux chers frères. Ces gens qui vont expliquer le Coran en se basant sur leurs opinions. Le hadith numéro 116. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه رواه أبو داود. Et donc le hadith numéro 116 selon Abi Huraira رضي الله عنه qui dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: celui à qui une fatwa est donnée sans science. Celui à qui une fatwa est donnée sans science. Alors le péché est à celui qui a donné. Le péché est sur celui qui a donné la fatwa, qui a émis la fatwa. Et celui qui montre à son frère quelque chose, il le conseille de faire quelque chose, alors qu'il sait que ce qui est correct est ailleurs, alors celui-ci a trompé son frère. Rapporté par Abu Daoud. Au Cherka, donc le mufti, donc celui qui va émettre une fatwa, huwa alladhi yukhbiru an hukmillahi tabaraka wa ta'ala li annahu ya'rifu ad-dalil. Et donc le mufti, c'est celui qui va donc informer du jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala sur tel sujet, parce que c'est lui qui connaît la preuve. Fa al-mar'u matlub minhu an yas'ala ahl al-'ilm. Et donc l'individu, il nous est demandé à tout un chacun de demander aux gens de science. Fait là où akhta al-mufti fal ithmu alayhi. Si le mufti, celui qui émet la fatwa, il se trompe, c'est lui qui prend le péché. Fait là où anna ar-rajul taharra fa dhahaba ila a'lam man yastati' ar-rusul ilayhi. Fa sa'alahu fa akhta hadha al-mufti. Si une personne, donc, elle fait les efforts d'aller interroger la personne qui, selon elle, a le plus de science, le plus de crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala, celle qui connaît le mieux, à qui? Donc la personne qu'elle puisse atteindre, bien entendu. Et donc la personne fait l'effort pour arriver jusqu'à cette personne, l'interroger. Puis la personne qui répond à la question, elle se trompe concernant le halal et le haram, elle se trompe. Alors ici, le péché est pour le question, pour celui qui a répondu à la question, celui qui a émis l'avis juridique, pas celui qui a posé la question. Khilafan li ha'ula'i alladhina yal'abun, contrairement à ceux qui jouent. Fayabhathun an man yurakhis lahum, ils cherchent des gens qui vont leur rendre licite certains sujets. Comme on a par exemple dans les sujets de divorce. Sujet de divorce, hawa, la passion totale. C'est vraiment, il y en a qui cherchent, hein, ils savent très bien que le jugement, il dit que la garde, elle est à un tel, mais ils vont chercher une personne qui émet une fatwa qui va dans leur sens pour dire non, l'enfant, il est à moi. Il est pour moi. Et donc, ils vont chercher comme ça. Comme on a aussi à notre époque, Masha'Allah, عندana ha'oula alladhina yabhathuna an alimin yujawwizu lahum al-kadhib. On a des personnes à notre époque qui cherchent des savants qui leur rendent licite le mensonge. Le mensonge. Concernant quel sujet? At-talqih, le vaccin. Le vaccin, wa ma adraka wa ma al-vaccin hadha. Hein? Ils cherchent des méchéirs qui leur disent oui, tu peux aller voir un tabib, tu peux aller voir un médecin, qui te disent tiens la baisse habille. La baisse, il peut mentir le docteur. Et toi après derrière, tu peux mentir aussi toi aussi en disant tenez regardez, j'ai un QR code, je suis vacciné, machallah alayhi, etc etc. Hein? Et donc les gens cherchent des fatawas qui leur rendent licite le mensonge. Rappelez-vous le hadith fi sahihayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit ala uhaddithukum ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Puis-je vous informer des plus grands mensonges, des plus grands péchés? Il a dit ça trois fois, les compagnons qui ont dit bala ya rasulallah, bien sûr ô messager d'Allah, informe-nous. Il a dit al-ishraku billah. Donc premier péché. Il a dit le fait d'accorder un associé à Allah. Le polythéisme. Deuxième péché, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, uququl walidayn. Le mauvais comportement envers les parents. Al-uquq. Qui est le contraire du bon comportement. Et donc tout ce qui ne fait pas partie du bon comportement tombe dans le mauvais comportement. Et ensuite, le prophète, donc le narrateur, il nous dit wakana muttaqian. C'est-à-dire donc, il s'appuyait donc sur quelque chose. Alors il s'est redressé. Pour montrer que là, on va aborder quelque chose qui est sérieux là. Il était appuyé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est redressé. Et il a dit, Ela wa qawl az-zur. Certes, la parole mensongère. Certes, la parole mensongère. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui t'envoient des questions. Ya Abdelkarim, est-ce que je peux ça pour le vaccin, mon fils ou ma fille ou je sais pas qui? Hein? Lorsque tu leur dis non, là, il y a 12, ils te disent, tu peux demander un cher pour moi? Puis là, il y a les... Tu crois que je vais envoyer la question? Et donc, vraiment, chers frères, c'est grave. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on craigne Allah, tabaraka wa ta'ala. Il faut vraiment qu'on craigne Allah, tabaraka wa ta'ala, concernant ce genre de sujet. Il y a des frères, ils le vendent carrément. Subhanallah al-Ali al-Azim. Qu'Allah nous préserve. Vraiment, les frères, on est vraiment à une époque où on tombe sur des choses qui sont étonnantes. Des choses étonnantes. Et donc, oh chers frères, il faut faire attention à ce qu'on fait. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous protéger tous. Wa fi hadha al-hadith ayyuha al-ikhwa, أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُفْتِي أَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى. Il y a dans ce hadith aussi, oh chers frères, que le fait que le mufti, celui qui émet une fatwa, il doit craindre Allah تَبَارَكَ وَتَعَلَى. Il doit craindre Allah تَبَارَكَ وَتَعَلَى et faire attention, ne pas se précipiter. Il vaut mieux dire aux gens « je ne connais pas » que de tomber dans ce péché. Mais le problème, c'est que malheureusement, كثير من الناس يفكرون في قول الناس فيهم. Beaucoup de personnes pensent à ce que les gens vont dire d'eux, mais ils ne pensent pas à Allah tabaraka wa ta'ala, est-ce qu'il est satisfait d'eux. Alors, inshallah ta'ala, on va ici rapidement voir quelques paroles importantes. لأن السلف كانوا يكرهون ذلك. Les salafs, ils détestaient cela. وكان السلف يحبون لا أدري. Les salafs, ils disaient, ils aimaient dire لا أدري, je ne sais pas. فسئل الإمام مالك عن مسألة فلم يجب عنها. L'imam Malik رحمه الله, l'imam des imams, il fut interrogé concernant un sujet, il n'a pas répondu. فقيل له إنها لمسألة خفيفة. Alors il fut dit à l'imam Malik, certes c'est un sujet qui est simple, c'est une question simple, tu peux répondre. فغضب الإمام رحمه الله. Alors l'imam Malik il s'est énervé. وقال ليس في العلم شيء خفيف. Il n'y a pas dans la science quoi que ce soit qui soit léger. Allah tabaraka wa ta'ala qui a dit إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. Certes, nous allons faire descendre sur toi une parole lourde. Il n'y a rien dans la science qui soit léger ou qui soit donc petit. Non, tout est lourd. Il s'est énervé l'imam Malik rahimahullahu ta'ala concernant ce sujet. وَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكُ مَا أَفْتَيْتُ حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك. Il dit, je n'ai pas émis de fatwa jusqu'à ce que 70 savants attestent que j'ai la capacité de le faire. Attestent que j'ai la capacité de le faire. Aujourd'hui, mashallah, ça fuse les fatwas. Ça fuse. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Ou alors, avant d'arriver à Ibn Mas'ud, on va voir encore donc une parole de l'imam Malik, rahimahullah. Et cette parole, elle est très connue. Ja'a ilayhi rajulun min ba'id. Un homme est venu voir l'imam Malik et il venait de loin, cet homme. Wa sa'alahu an 40 mas'ala. Il a interrogé l'imam Malik concernant 40 sujets. Fa aftahu fi arba'. L'imam Malik, il a répondu à 4 questions. 40 questions qui lui sont posées, il a répondu à 4. Et les autres, il a dit, la adri. Je ne sais pas. Alors la personne qui interroge, elle lui dit, mais je viens de loin. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Ah, la fitna. Qu'est-ce que les gens vont penser de toi? L'imam Malik, il lui a dit, irkab rahilatak, monte sur ta monture. Idhhab ila baladik, va dans ton pays. Wa kul linnas inna malikan la yadri. Va dans ton pays et dis aux gens que le Malik ne sait pas. Va dire aux gens que le Malik ne sait pas. Khalas, intahe, c'est fini. C'est ça les ulema. C'est ça les ulema. À notre époque, on est gêné de dire je ne sais pas. Ah, ça fait mal. Parce que justement, c'est nous qui réellement nous ne savons pas. C'est nous qui réellement nous ne savons pas. Parce qu'on a cette maladie, on n'a pas la crainte d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ibn Mas'ud. رضي الله عنه il nous dit والله il jure il dit والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. Il dit par Allah, celui qui émet des fatwas aux gens dans toutes les questions qui lui sont posées, celui-ci est fou. Hein? Aujourd'hui, mashallah, on a des sites carrément aux réponses aux questions, si, ça. Aujourd'hui, mashallah, questions-réponses, etc., etc. Il n'y a pas de crainte. Ibn Battah, rahimahullah. Donc ça, c'est la parole d'Ibn Mas'ud. Ibn Battah, rahimahullah, il cite cette parole et il fait un commentaire. Il dit أَكْثَرُ الْمُفْتِينَ فِي زَمَنِنَا هَذَا مَجَانِينَ. Ibn Battah, qui est mort en 387 de l'Hégire, il nous dit la majorité des mouftis à notre époque sont fous. Parce qu'ils répondent concernant toutes les questions qui leur sont posées. Les sahabas, ils n'étaient pas comme ça. Et donc, il faut vraiment qu'on fasse attention à ce sujet, ô chers frères, le fait qu'on craigne Allah tabaraka wa ta'ala, qu'on craigne le fait de tomber dans le péché, au lieu de craindre l'opinion des gens. وَهَذَا هُوَا السُّنَّةِ قَوْنُوا كَتَكُوا لَا أَدْرِي. C'est ça la sunna, le fait que tu dis je ne sais pas. سُوِلَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ أَيِّ بَلَدٍ شَرْ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut interrogé concernant lequel des endroits est le pire. Lequel des endroits est le pire? Alors il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la adri hatta as'ala Jibril. Je ne sais pas, jusqu'à ce que je demande à Jibril. Alors lorsque Jibril est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, Jibril, il lui a dit aswaquha, les marchés. Et oui, vous savez, ces endroits que nous on aime tant, mashallah. Ou plutôt pas nous, plus les sœurs. Hein? Ces endroits que les sœurs elles aiment tant, mashallah, marchés, je ne sais pas, etc. Hein? Les après-midi marchés, les matinées marchés, parfois, il y en a qui ont du mal à se réveiller pour faire tout ce qu'il y a à faire à la maison, mais le jour du souk, mashallah, après Fajr, tout le monde est debout. Il faut y aller. Et donc, ces endroits donc, sont des endroits, donc, les pires des endroits. Et pour finir, le dernier hadith, Inch'Allah ta'ala, d'ailleurs, excusez-moi, ce hadith qu'on vient de voir, le hadith donc, d'Abi Huraira, c'est un hadith qui a été authentifié par, ou du moins, Cheikh Al-Albani, il a jugé que le hadith, il est correct. Cependant, il y a un problème dans la chaîne de transmission, c'est que Amr ibn Abi Nu'aymah, il est majhoul, il est inconnu. Il est inconnu et donc, certains de nos méchéirs, ils voient que ici, il n'y a pas suffisamment, il n'y a pas de chaîne de transmission qui vont renforcer cette faiblesse. Cependant, la signification du hadith est authentique bil ijma', selon l'unanimité des savants. L'unanimité des savants sont unanimes sur le fait que le sens du hadith est correct. Et d'ailleurs, au Shafkar, ça c'est une des misas de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab. C'est une des particularités de cet imam, c'est que même quand il cite un hadith qui est faible, le hadith il peut être faible, mais ce qui a été cité dans le hadith est appuyé par d'autres fondements de notre religion. Et ça, ça fait partie des particularités de cet imam, rahimahullahu ta'ala. Donc le dernier hadith d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, le hadith numéro 117, An Mu'awiyah, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha 'anil urlutat. Et donc selon Mu'awiyah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit el urlutat, rapporté par Abu Daoud. Ce hadith aussi il n'est pas correct. El urlutat, qu'est-ce que c'est? On a déjà vu ce sujet. Ce sont les questions qui sont posées afin de mettre donc la personne qui est interrogée dans la gêne. Afin de mettre la personne qui est interrogée dans la gêne ou afin que la personne qui pose la question montre sa science. Ou alors, le fait de poser une question où tu sais que la personne qui est interrogée va se tromper. Voilà la définition que les savants nous ont donnée de El Urlutat. Et il n'y a nul doute sur le fait que ça, c'est interdit. Et ce sujet-là, on l'avait déjà vu dans un hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَئِلِهِمْ. Certes, ceux d'avant vous qui se sont donc égarés, certes, les peuples d'avant vous ont été égarés par le grand nombre de questions qu'ils posaient. Et ce qui est voulu par question ici, on l'a déjà expliqué, et parmi les sens, il y a donc El Urlutat. Donc ces questions qui sont posées pour mettre la personne interrogée dans la gêne. On va arrêter là. Donc pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, et on continue demain. Bi'idnillahi ta'ala, waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khayran.